D'après le journal internet des Coréens aux États-Unis, Minzok Tongsin, les Coréens à New York ont tenu le 9 un rassemblement à la bougie en Manhattan pour exiger la démission du camp de Bakunin. Après le meeting, les manifestants sont descendus dans la rue.